France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans le film d'Anatole Litvak, Cœur de Lila, Gabin et Fréhel chantaient les talents cachés et hors du commun de la môme caoutchouc. J'ai une petite gosse extra, elle est en gutta-percha, élastique et vraiment fantastique. Avec eux, on ne vantera jamais assez les vertus du latex, de l'EVA et du guaiul, de ce caoutchouc découvert par les Européens en Amérique du Sud au XVe siècle, de ses innombrables usages et applications dans la vie quotidienne et dans l'industrie depuis des centaines d'années. L'histoire du caoutchouc, elle nous était racontée en 1980 sur France Culture, dans une grande série documentaire consacrée aux matières premières. On y rappelait aussi de quelle violence s'accompagna son exploitation, que les Indiens d'Amazonie notamment payèrent massivement de leur vie. Communauté des radios publiques de langue française, l'épopée des matières premières, 9e des 10 épisodes, le caoutchouc, une émission diffusée la première fois le 28 août 1980 sur France Culture. Communauté radiophonique des programmes de langue française. L'épopée des matières premières. Une suite d'émissions d'Olivia Zemmour, Michel Pierre et Daniel Wolfram, réalisée par Olivier Dorère. Montage, Micheline Noël. Aujourd'hui, le caoutchouc. Les Indiens d'Amérique ont été les premiers à découvrir et à exploiter les propriétés uniques du caoutchouc. Les Espagnols, qui explorèrent cette région à la suite de Christophe Colomb au début du XVIe siècle, les ont vus pratiquer un jeu d'équipe avec une balle qui rebondissait beaucoup mieux que tout ce qui était alors connu en Europe. En fait, ils furent si impressionnés par le comportement d'une telle balle que leur premier rapport faisait mention d'un rebond supérieur à la hauteur dont elle tombait. Personne ne soupçonne encore l'origine végétale du produit. Les uns assurant qu'il provient de sources sacrées situées loin dans l'intérieur de l'Amérique du Sud. Et certains explorateurs assureront qu'ils se sont plongés dans ces eaux et qu'ils en sont sortis couverts de gomme. D'autres pencheront pour une origine animale. Comment élever des doutes à ce sujet? Des voyageurs dignes de foi n'affirment-ils pas de vive voix et même par écrit qu'ils ont vu les Indiens extraire la précieuse gomme des excréments de bêtes sauvages. Cette balle était faite à partir du suc blanc et laiteux qui s'écoulait de certains arbres locaux quand on entaillait leur écorce. Par séchage, ce suc coagulait en une gomme solide et élastique. Au cours des 100 années suivantes, les Européens découvrirent peu à peu un certain nombre d'autres emplois que faisaient les Indiens de ce remarquable matériau. Ils l'étalaient sur les vêtements pour les rendre imperméables à l'eau. Ils le moulaient sur des formes en argile pour obtenir une sorte primitive de botte. Ils le façonnaient en récipients souples et en poire à lavement. Ils en offraient aux dieux comme encens. Cette dernière application peut paraître surprenante à quiconque a même une seule fois senti l'odeur du caoutchouc brûlé. Mais apparemment, ce n'était pas tant cette mauvaise odeur que les dieux étaient supposés aimer que les abondants nuages de fumée noire qui, selon les principes bien connus de la magie évocatrice, étaient utilisés pour inciter les dieux à envoyer de réels nuages de pluie. Les autres applications de la résine élastique présentaient un aspect plus pratique pour les Européens. À la découverte du caoutchouc, il était évident que le vieux monde manquait d'un matériau compact et souple qui soit réellement imperméable à l'eau ou à l'air. Au temps de Swift, les jongleurs et les footballeurs devaient se contenter de vessies de porc gonflées. Les chimistes et les pompiers avaient recours au cuir pour faire des tubes et des tuyaux, lesquels, en conséquence, fuyaient à chaque joint. Les manteaux de pluie en cuir étaient très coûteux. Les bottes de cuir n'étaient jamais parfaitement étanches. Ce sont deux Français, Lacondamine et Fresneau, qui ont stimulé, au milieu du XVIIIe siècle, l'intérêt pour les applications possibles de la gomme élastique. Lacondamine en envoya de Quito un échantillon à l'Académie des sciences de Paris, expliquant que les Indiens Maïna lui donnait le nom de caoutchouc, venant de kaa, qui signifie bois, et ochou, qui veut dire couler ou pleurer. Ce fut Buffon qui donna lecture de ce rapport. Il croit dans la province d'Esmeralda un arbre appelé par les naturels évé. Il en découle par la seule incision une liqueur blanche, comme du lait, qui se durcit et se noircit peu à peu à l'air. Les habitants en font des flambeaux, d'un pouce et demi de diamètre sur deux pieds de longueur. Ces flambeaux brûlent très bien, sans mèche, et donnent une clarté assez belle. Ils répandent, en brûlant une odeur qui n'est pas désagréable, un seul de ces flambeaux peut durer allumé 24 heures. Dans la province de Quito, on enduit des toiles de cette résine, et on s'en sert aux mêmes ouvrages pour lesquels nous employons ici la toile cirée. Le même arbre croît, dit-on, le long des bords de la rivière des Amazones. Les Indiens Maipas nomment la résine qu'ils en tirent caoutchouc, ce qui se prononce caoutchouc. Fresneau, après de longues recherches, trouva finalement des arbres à caoutchouc en Guyane française, les saigna lui-même, fabriqua une paire de chaussures avec le suc obtenu et enduisit de ce dernier un vieux manteau. Le rapport de Fresneau, lu à l'Académie de Paris par Lacondamine en 1751, suggérait avec une remarquable prescience l'emploi possible de ce matériau pour la fabrication de bâches, de manchons de pompe, de vêtements de plongée, de gourdes et d'autres articles utiles. Il faisait en outre ressortir la principale difficulté à vaincre pour son exploitation en Europe. Le suc ne se conservait pas. Il coagulait peu après avoir été recueilli et ne pouvait donc être envoyé en Europe sous forme liquide. Seul le caoutchouc séché pourrait être expédié, mais il était trop coriace pour pouvoir être mis en œuvre par l'une quelconque des méthodes dont se servaient les Indiens. Des efforts sporadiques furent tentés pour venir à bout de cette difficulté. Le roi du Portugal envoya régulièrement ses bottes au Brésil pour les faire imperméabiliser. Un fonctionnaire espagnol, désirant disposer de bouteilles incassables pour transporter du mercure aux mines d'or du Mexique, les fit fabriquer en peau de chamois et recouvrir de caoutchouc au Mexique. Joseph Priestley lui-même recommanda cette gomme aux ingénieurs anglais en tant que matériau bien supérieur à la mie de pain pour effacer les marques de crayon. Pendant ce temps, deux chimistes français, Macaire et Hérissant, recherchaient des solvants capables de rendre à nouveau liquide la gomme coagulée après son arrivée en Europe. Ils découvrirent que l'essence de térébenthine et l'éther parvenaient tous deux à ce résultat. Finalement, la première fabrique de caoutchouc fut créée à Paris en 1803. On y produisait des bandes élastiques pour jarretières et bretelles. Mais tous ces produits souffraient de deux inconvénients majeurs. En premier lieu, la gomme était collante et le demeurait aux températures ordinaires, quoi que l'on fasse. Par temps chaud, elle devenait encore plus molle et plus collante. D'autre part, par temps froid, elle durcissait progressivement jusqu'à perdre toute souplesse aux températures très basses. Une solution partielle à la première de ces difficultés fut apportée par un Écossais, Charles McIntosh, qui fabriqua en 1823 un matériau de qualité acceptable pour manteau de pluie en plaçant la gomme collante entre deux couches de coton tissées serrées. Mais une solution vraiment complète ne fut trouvée qu'en 1839 lorsqu'un inventeur américain, Charles Goodyear, découvrit le procédé connu maintenant sous le nom de vulcanisation. Depuis 1831, Goodyear faisait expérience sur expérience pour chercher à améliorer les qualités du caoutchouc. Il s'efforçait surtout de trouver un desséchant capable d'éviter le poissage des objets fabriqués. En 1839, il fit l'observation qui devait révolutionner l'industrie. Le caoutchouc cru, traité par du soufre à température supérieure au point de fusion de ce produit, subit une transformation qui améliore considérablement ses propriétés mécaniques ainsi que sa résistance aux variations de température. Il avait à peine 20 ans quand il avait vu cette première paire de chaussures. Et maintenant qu'il approchait de la cinquantaine, il s'en souvenait comme si c'était hier. Comme elle avait fait courir s'émerveiller et renifler les bonnes gens de Boston, la première cargaison déchargée sur le quai du commerce. Elles étaient lourdes, ces chaussures. Mais quelle merveille, cependant. Dorées et décorées, bourrées d'herbes sèches, elles semblaient plus étranges que tous les produits exotiques importés à Boston de tous les coins du monde. D'abord, on en avait ri. Et puis on s'aperçut qu'elles étaient plus imperméables que les cuirs les mieux graissés et pouvaient se distendre et s'adapter à n'importe quel pied. Alors les gens commencèrent à en acheter. Il y eut bientôt une telle demande de chaussures de caoutchouc que les bateaux n'arrivèrent plus à approvisionner le marché car malgré leur éclat et leur utilité, elles ne coûtaient presque rien. Bientôt, les fabricants eurent l'idée d'envoyer jusque dans les Amazones des modèles de chaussures d'une forme plus élégante. Ils virent venir ensuite du caoutchouc brut, matière nouvelle, curieuse, élastique, dont personne n'avait vu l'appareil. Les bateaux en amenèrent d'énormes cargaisons, des balles de caoutchouc, des bouteilles de caoutchouc curieusement façonnées que les fabricants débitèrent et traitèrent selon les procédés secrets pour les jeter enfin sur le marché sous forme de jolies chaussures élégantes et imperméables, de manteaux de pluie, de capes et de tabliers. À l'époque, tout le monde se précipitait sur les actions des manufactures de caoutchouc pour participer aux bénéfices, alors que des fabriques surgissaient dans toute la Nouvelle-Angleterre. À Roxbury, à Chelsea, à Framingham, à Lynn, à Salem. C'est alors que M. Bancroft et beaucoup d'autres avec lui perdirent leur bel argent. M. Ce Bancroft avait atteint le stade de l'attendrissement et ses souvenirs avaient perdu leurs angles aigus et blessants. Tout s'enveloppait d'une douce irréalité et paraissait plutôt comique. Grand Dieu, abbé, vous souvenez-vous comme ça peut être, dit-il d'un air absent et rêveur. Vous rappelez-vous, cet été, où tout le caoutchouc du pays s'est mis à fondre et à puer comme rien au monde. Et ce jour, où nous étions partis à la pêche avec ces nouveaux pantalons imperméables dont nous étions si fiers. Le soleil les avait si bien chauffés que nous ne pouvions plus les retirer et qu'ils nous collaient au postérieur. Vous souvenez-vous des gens englués à leur siège et qui auraient pu y demeurer jusqu'à ce que la gomme ait entièrement fondu? Oh, et votre casquette! Je vous vois encore essayant de l'arracher de votre tête. « Oui, ça peut être Dieu de Dieu comme ça peut être, » dit joyeusement Abby. « Mais, Hez, tu n'étais pas là quand ils ont brûlé pour 20 000 $ de chaussures à Roxbury. 20 000 paires de chaussures inutilisables qui avaient dû être jetées. Non, mais j'étais là quand ils ont fait flamber une autre cargaison le 4 juillet. Un feu de joie, oh quel feu! Voilà, me disais-je, ils brûlent mon bon argent. » Voilà où vont les milliers de dollars de mes actions de caoutchouc. Qui aurait pu croire alors que le caoutchouc retrouverait jamais sa valeur? L'emploi de la vulcanisation entraîna, en un temps étonnamment court, l'application du caoutchouc à la quasi-totalité de ses utilisations modernes. Tuyaux et courroies, articles de sport, équipements pour anesthésie, sondes, matelas pneumatiques, bouillottes, tampons de chemin de fer et segments de piston, isolement électrique, prothèses dentaires, etc. Le point culminant fut atteint lorsque John Boyd Dunlop, vétérinaire à Belfast, prit en 1888 son brevet sur le bandage pneumatique. Brevet numéro 10607. Perfectionnement dans la fabrication des bandages des roues de bicyclette, tricycle et autres véhicules routiers. Moi, John Boyd Dunlop, médecin vétérinaire, 50 Gloucester Street, Belfast, déclare ici la nature de mon invention comme suit. Un bandage creux ou tube fait de caoutchouc des Indes et de toile ou autres matières appropriées. Le dit tube ou bandage doit contenir de l'air comprimé ou autre et être fixé à la roue ou aux roues de la manière qui se révélera la plus satisfaisante. Ce 20e jour de juillet 1888, John Boyd Dunlop. L'invention de Dunlop était destinée à l'origine à la bicyclette de son fils, mais elle arriva juste au moment voulu pour répondre aux besoins de l'industrie automobile naissante. La fabrication des pneumatiques se développa avec l'essor de l'automobile. L'automobile avait fait son apparition dans les grandes villes du monde entier. Des messieurs à lunettes protectrices et des dames à cache-poussière et chapeau plat avec des voilettes nouées sous le menton se promenaient dans ces mécaniques à des allures folles. Et les usines avaient besoin de tout le caoutchouc que l'on pouvait arracher aux plantations de Landolphia, de Funtumia, à la sueur des esclaves noirs d'Afrique mourant de faim et de mauvais traitements. Dans les grands centres, Iquitos du Pérou, Manaus et Belém du Brésil, le prix du beau et dur caoutchouc de Para atteignait des hauteurs vertigineuses. Les bénéfices se répartissaient diversement. Les directeurs touchaient des gratifications et des bénéfices énormes. Les employés, qui, dans les forêts, forçaient les ramasseurs à extraire le plus de caoutchouc possible, touchaient de 20 à 50% de commission, mais ne recevaient pas de salaire régulier. Les autorités devaient être achetées, les journaux réduits au silence, des hommes influents soudoyés, des gardiens des forces armées vigilantes, entretenus pour assurer l'exploitation de la main-d'œuvre indigène. À la Bourse de Londres, de New York et d'autres grandes villes, c'était la ruée sur les actions de caoutchouc de compagnies véritables ou frauduleuses. Dans les forêts du bassin de l'Amazone, des milliers d'arbres étaient sacrifiés et jamais remplacés. Et des tribus entières d'Indiens massacrés dans la folie de la course au caoutchouc. Des fortunes se construisaient, s'effondraient, disparaissaient, tandis que le monde entier perdait la tête devant la promesse de l'or noir. De simple commodité qu'il était, le caoutchouc était soudain devenu une nécessité absolue. L'âge de l'automobile avait commencé. L'âge du caoutchouc commençait aussi. « Davantage de caoutchouc ! Nous avons besoin de plus de caoutchouc !» criait et hurlait le monde. « Davantage de caoutchouc à n'importe quel prix !» N'importe quel prix. L'invention du pneumatique, elle s'est faite dans quelles conditions ? Eh bien, il y a plusieurs étapes. La première d'entre elles remonte assez loin, puisque c'est dès 1845 qu'un ingénieur écossais, Robert Thomson, a pour la première fois l'idée qu'on peut utiliser le caoutchouc pour les véhicules. Et cet ingénieur a 23 ans lorsque, en 1845, il dépose le brevet qui constitue en fait l'acte de naissance du pneumatique. Le brevet parviendra en France en 1846, aux États-Unis en 1847. Ça fait très peu de temps que l'étape capitale du procédé de vulcanisation a été découverte par Goodyear. Mon invention consiste, dit Thomson, dans l'application de supports élastiques autour des roues de voiture afin de diminuer la puissance nécessaire pour les tirer, pour rendre les mouvements plus doux et diminuer le bruit qu'elles font en roulant. Effectivement. Mais pourtant, l'invention de Thomson n'aura quasiment pas d'application pendant une cinquantaine d'années, probablement parce que Thomson a commis l'erreur de trop miser sur ce qu'on appelait alors la roue aérienne. En effet, il a en quelque sorte brûlé les étapes en supprimant sur sa voiture équipée de roues de caoutchouc les ressorts qui, jusqu'à présent, assuraient à eux seuls la suspension. Et sa roue de caoutchouc est bien entendu incapable de compenser à elle seule la fonction que remplissaient les ressorts. Comme le dira une cinquantaine d'années plus tard Michelin, je cite, « Dès qu'il eut imaginé ses roues aériennes, Thomson les appliqua à des voitures dont il supprimait les ressorts, comptant utiliser uniquement l'élasticité des bandages pour assurer le confort du véhicule. C'était là une erreur, et c'est certainement là une des causes de son insuccès, car l'industrie produisait déjà à cette époque du caoutchouc vulcanisé dans d'excellentes conditions. Il y a une autre raison aussi, c'est que la demande pour des roues de caoutchouc en 1845, alors qu'on en était encore à près d'un demi-siècle avant la découverte, enfin, les premières applications de l'automobile, la demande pour ces roues en caoutchouc n'était évidemment pas la même que ce qu'elle sera plus tard. Et ce n'est pas un hasard si les découvertes identiques, en quelque sorte, à celles de Thomson, qui seront effectuées à la fin des années 1880, en France comme en Angleterre, trouveront, elles, des applications immédiates. C'est en effet en 1888 que Dunlop, qui n'avait pas connaissance du brevet de Thomson, imagine un pneumatique de vélo en caoutchouc similaire dans ses grandes lignes à celui de Thomson. Et seulement ce pneumatique posait un énorme problème. En quoi consistait-il ? En un tube creux, gonflé et enveloppé d'une toile recouverte de caoutchouc, qui adhérait à la jante par un procédé de collage. Et on imagine les problèmes que cela posait à chaque crevaison où il fallait démonter complètement la roue et le pneumatique. Pourtant, Dunlop a plus de chance que Thomson. Le pneu se développe. Il est vrai que le problème du pneu vélo est bien plus simple à résoudre que celui du pneu voiture. Et c'est par ce pneu vélo qu'on passera au pneu voiture. Petite anecdote, en 1891, un Anglais qui parcourt la France en vélo, sur pneu Dunlop, vient faire réparer une crevaison dans un petit atelier de Clermont-Ferrand, l'atelier Michelin, où l'on travaille déjà le caoutchouc. Et c'est une révélation pour le patron de cet atelier, Édouard Michelin, qui s'attaque aussitôt à perfectionner le pneu, réaliser un pneu que n'importe qui puisse démonter et remonter en un quart d'heure. Et il y arrivera la même année, le 18 juin 1891 très exactement, où Michelin fait breveter le pneu démontable. La chambre à air est indépendante de l'enveloppe. Le pneumatique est né. Mais l'inévitable se produisit, une pénurie mondiale de caoutchouc. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la consommation mondiale fut pratiquement toute assurée par le caoutchouc sauvage, récolté par des tribus indiennes sur les rives de l'Amazone. Mais cela au prix de centaines de milliers de vies humaines. Roger Casement relata qu'une tonne de caoutchouc produite en Haute-Amazonie coûtait 2 vies humaines. Mais une nouvelle statistique dressée par lui aggrava encore ce chiffre. À son avis, les 4000 tonnes produites dans le bassin du Putumayo de 1900 à 1911 avaient causé 30 000 morts. La population des Indiens Huitoto était tombée de 40 ou 50 000 à 10 000. Dans le district d'Ikojo, en 10 ans, la population était tombée de 6 000 à 600. Dans celui de Negro, il restait 12 habitants sur 2 000. À Bolobo, 7 000 sur 40 000. Irébu, que Stanley décrivit comme la région la plus peuplée du Congo, ne conservait que 50 habitants en 1955. Le Pérou ne pouvait guère surveiller, du moins, il le dit, ses provinces excentriques. À Manaus, à Para, on recevait le caoutchouc, on l'expédiait, on encaissait des commissions. On ignorait, on préférait ignorer le reste. L'insatiable désir d'obtenir la plus grande production dans le temps le plus court et au prix les plus bas fut sans aucun doute une des causes qui provoqua le plus de crimes. Les Indiens, qui ne se pliaient pas à cette exigence, étaient torturés et tués raides, tandis que les plus intraitables étaient forcés, sous la menace du machette ou du fusil, d'exécuter les ordres reçus. Ainsi, le crime était proportionnel au rendement, et le nombre de kilos extraits augmentait dans la mesure où il était perpétré. Autrement dit, plus il se commettait d'assassinats, et plus s'accroissait la production. Ce qui signifie également que la plus grande partie de cette production était acquise au prix du sang et des cadavres. Juge Dr. Paredes, extrait du rapport spécial du Select Committee sur Putumayo, Londres, 1913. Ce fut le gouvernement britannique qui conçut le premier l'idée de cultiver, en Asie, l'Hevea brasilienis, et un explorateur anglais, Henry Wickham, réussit en 1876 à faire sortir en contrebande du Brésil plus de 70 000 graines qu'il remit au directeur du jardin botanique de Kew. Les graines furent immédiatement plantées et au bout du temps nécessaire, 2600 d'entre elles germèrent et ce fut suffisant pour pouvoir envoyer à Ceylan 38 caisses de plants. Le caoutchouc, pendant des années, était produit en Amérique du Sud. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, plus de 80% de la production de caoutchouc naturel provienne d'Asie du Sud-Est? C'est une histoire assez compliquée et qui fournirait la matière à un bon roman policier. Il faut remonter au siècle dernier, dans le troisième quart du 19e siècle, à partir de 1870, où on se rend compte dans les métropoles industrielles que le caoutchouc réserve un nombre de possibilités assez important. Il ne faut pas oublier que 25 ans plus tôt, le procédé de la vulcanisation a été découvert et donc beaucoup de possibilités d'utilisation du caoutchouc se font jour. Alors, comment les choses se sont-elles passées ? Tout le monde cherchait, l'Angleterre, la France, à produire du caoutchouc. Malheureusement, un seul pays en produisait, le Brésil. Et celui-ci gardait jalousement les graines de l'arbre à gomme de l'EVA. Il les gardait jalousement en infligeant des amendes draconiennes à tous ceux qui cherchaient à faire sortir du pays un certain nombre de ces graines. Les bateaux étaient surveillés, les plantations aussi. Arrive dans ce contexte un Anglais, un de ces bourgeois anglais du 19e siècle, Sir Henry Wickham, qui, comme d'autres, Cecil Rhodes par exemple, ont contribué, par l'histoire que je vais vous raconter, à bâtir la richesse de l'Empire britannique. Wickham lui-même était précisément un planteur, mais qui n'avait pas en vue ses seuls intérêts. Dans un premier temps, il envoie les feuilles de gommier à un de ses amis, Sir Hooker, directeur du jardin botanique de Londres, qui va les faire étudier. Celui-ci en parle à un responsable de l'India Office, l'Office des Indes de l'Empire britannique, Sir Markham, qui va rapidement donner à Wickham l'ordre secret d'apporter aux Indes les graines de la gomme. Pour ce faire, on ne lésinera pas sur l'argent. Wickham fonde une nouvelle plantation dans un des lieux les plus isolés de l'Amazonie, où jusqu'à présent les Européens ne s'aventurent pas encore. Les arbres poussent, donnent des graines, mais reste toujours le transport de ces graines. Transport très délicat, pour cette raison que les graines sont très peu résistantes, pourrissent facilement, et perdent rapidement de leur pouvoir germinatif. Pour le problème du transport, l'India Office commence à encourager de jeunes armateurs à pousser le développement de la navigation fluviale de l'Amérique du Sud. Pas ouvertement, bien entendu, mais elle les encourage à aller de plus en plus loin sur les 40 000 km du système fluvial amazonien. Malgré ses efforts, ce sera finalement un pur hasard si un bateau, l'Amazona, qui appartient à Lehman Line, avance en 1876 sur 2000 km à l'intérieur du Brésil, tout à fait à proximité de la plantation de Wickham. Par bonheur pour Wickham, l'Amazona ne peut trouver aucun fret à destination de l'Angleterre. Wickham corrompt le capitaine du navire et envoie ses Indiens cueillir le plus rapidement possible les graines de gomme. Il les charge de nuit, mais arrivé sur le bateau, une mauvaise surprise les attend. Le navire est en effet bourré de rats, et dès que le chargement commence, les rats se jettent sur les ballots de graines et les auraient pratiquement toutes dévorées en quelques instants si Wickham n'avait eu l'idée de les suspendre pour leur éviter un si mauvais sort. Après la lutte contre les rats, la lutte contre les hommes, Wickham s'y prépare, la cale est bourrée de fusils pour le cas où les contrôles de la police brésilienne se passeraient mal. Ça n'arrivera pas, heureusement pour lui. Il a imaginé un stratagème. Il raconte aux autorités brésiliennes, à l'embouchure de l'Amazonie, il leur raconte qu'il transporte des orchidées pour le roi d'Angleterre et que celle-ci, craignant l'air frais qui règne cette nuit à proximité du bateau, il serait très malvenu d'ouvrir le bateau. Et le bateau de Wickham est finalement autorisé à prendre le large. Dès l'arrivée en Angleterre, un train spécial a été dépêché à Liverpool pour recueillir les graines, et 10 minutes après l'arrivée à quai du bateau, les graines sont déjà en route pour Londres. Elles arrivent au jardin botanique, où on a évacué à toute vitesse des plantes parfois extrêmement coûteuses pour faire de la place aux graines de la gomme. Et ainsi commence, à son point de départ londonien, l'histoire de la gomme du sud-est asiatique. Parce que dans les mois qui suivent, celle-ci sera expédiée toujours en secret vers la Malaisie, où les plantations commenceront. Au début, les Sud-Américains ne se doutent de rien. Boliviens et Brésiliens se mènent une guerre acharnée à leurs frontières respectives, pour la délimitation de celle-ci et de ces plantations sauvages de gommiers. On construira une ligne de chemin de fer pour amener le caoutchouc bolivien jusqu'à la ville aujourd'hui quasiment disparue de Manaus, capitale du caoutchouc brésilien. La construction de cette ligne de chemin de fer sera un véritable désastre, puisque 11 000 hommes y trouveront la mort, de façon dramatique, sous les effets de la malaria, du beriberi, de la fièvre typhoïde. Et alors même que le chemin de fer est terminé, les cours du caoutchouc s'écroulent subitement. Pourquoi ? Parce que les Anglais ont commencé à lancer sur le marché leur production du sud-est asiatique. Et depuis, pour ce qui est du caoutchouc naturel, le sud-est asiatique, la Malaisie en particulier, a supplanté l'Amérique du Sud pour ce produit. Mais au moment où les nouvelles plantations de Malaisie et de Ceylan commençaient à produire, la demande mondiale de caoutchouc avait largement dépassé les possibilités d'approvisionnement. En 1910, le prix avait atteint 7 dollars le kilo. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant qu'aient été entrepris les premiers essais systématiques pour créer une industrie du caoutchouc synthétique. L'histoire du caoutchouc synthétique comporte un certain nombre de dates significatives et il est intéressant de noter que la chimie du caoutchouc est en fait un phénomène relativement ancien, alors que l'industrie du caoutchouc synthétique, elle, appartient au XXe siècle et, dans une large mesure, à la deuxième moitié du XXe siècle. C'est en effet dès 1826, à une époque où le caoutchouc naturel lui-même était un produit encore assez peu connu, qu'un chimiste anglais, Faraday, fait les premières découvertes de la chimie du caoutchouc. Il découvre que la molécule de caoutchouc est formée de 5 atomes de carbone, de 8 atomes d'hydrogène, que c'est un hydrocarbure. En 1887, d'autres chimistes parviennent à réaliser la première synthèse de caoutchouc synthétique. C'est une époque où, on l'a vu par ailleurs, le développement du caoutchouc naturel bat son plein, la demande augmente régulièrement et les recherches sur le caoutchouc synthétique se développent parallèlement. La Première Guerre mondiale jouera un rôle d'accélérateur dans ces travaux. Pas en Angleterre, qui a une marine lui permettant d'assurer ses approvisionnements, mais en Allemagne, puisque soumise au blocus, elle devra bien trouver, par ses propres moyens, de quoi équiper son armée et son industrie. C'est donc en Allemagne que les recherches sur le caoutchouc synthétique vont s'intensifier. Et dès la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est capable de produire du caoutchouc synthétique quelques dizaines de milliers de tonnes. Lorsque la paix revient, ces procédés sont abandonnés parce que tant qu'on était en état de guerre, on ne regardait pas à la dépense et les coûts de revient du caoutchouc synthétique sont encore à cette époque nettement plus élevés que ceux du caoutchouc naturel. Malgré tout, l'entre-deux-guerres sera une période fertile pour la recherche du caoutchouc synthétique, en Allemagne notamment, puisque à partir de 1933, avec le Troisième Reich, l'Allemagne développe au maximum une économie autarcique et se prépare à la guerre et se prépare à l'autosuffisance pour l'essentiel de ses matières premières. C'est vrai aussi en Union soviétique et cela commence à être vrai dans un certain nombre de pays industrialisés où, avec la naissance de la pétrochimie, naît le besoin d'avoir des caoutchoucs capables de résister aux huiles, fonction que le caoutchouc naturel remplit difficilement. L'entre-deux-guerres a été une période décidément bien courte. Cela est particulièrement vrai pour le caoutchouc synthétique, puisque en 1942, avec l'entrée en guerre des États-Unis et l'occupation des plantations d'Asie du Sud-Est par les forces japonaises, va naître aux États-Unis un besoin immense de caoutchouc. D'ailleurs, les comptes rendus des parlementaires américains en rendent suffisamment compte. Sénateur Connolly. Nous pouvons tous voir à présent que nous aurions dû nous montrer vigilants à Pearl Harbor, que nous aurions dû éviter la catastrophe, que nous aurions dû faire ceci et que nous aurions dû faire cela. Mais aucun d'entre nous n'a prévu ce qui allait se passer. Nous ignorions tous que les Indes orientales seraient occupées si rapidement. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui de dire « Mon Dieu, mais pourquoi donc n'avez-vous pas agi de telle ou telle façon ?» quand c'est l'autre qui aurait dû le faire. N'est-il pas vrai? Nous sommes tous coupables. Mr. Batt. Nous sommes tous sur le même bateau. Sénateur Connolly. Nous sommes tous coupables. Le Congrès est coupable depuis 4, 5, 6 ou 8 ans de n'avoir pas fait construire davantage d'avions. Ils n'ont pas sorti la tête du sable pour regarder autour d'eux et voir ce qui se passait dans le monde. Si nous avions pu dépenser 20 milliards de dollars il y a 5 ou 6 ans, nous n'aurions pas à débourser aujourd'hui tant de billions. Mr. Batt. Parfaitement. Sénateur Connolly. Nous ne l'avons pas fait. Mr. Batt. Exactement. Sénateur Connolly. Nous ne l'avons pas fait. Il nous est facile de dire maintenant, « Mon Dieu, pourquoi ne l'avons-nous pas fait ? Nous ne l'avons pas fait, voilà tout. » À présent, il faut que nous fassions du caoutchouc synthétique, n'est-ce pas ? Mr. Bath ? Il n'y a pas de doute à ce sujet. Sénateur Connolly ? Que nous en fassions maintenant. Auparavant, nous ne savions pas que nous aurions à en faire. Quels que soient les obstacles, les difficultés et le prix que nous aurons à y mettre, il faut que nous en fassions. Extrait de Investigation of National Defense Program, 24 mars 1942. United States Senate, Washington, D.C. Et après cette impulsion donnée au cours de la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 50, on reviendra à une cause de développement du caoutchouc synthétique beaucoup plus pacifique et beaucoup plus naturelle, si je puis dire, avec l'accroissement énorme de la demande due au développement de l'automobile essentiellement. Au point qu'aujourd'hui, le caoutchouc synthétique est une production 2,5 fois plus importante que celle du caoutchouc naturel. Comment se fait la fixation des prix du caoutchouc ? Bon, alors les prix du caoutchouc sont fixés, ce qu'on appelle, sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a un marché, qui est un marché à terme, où il y a des acheteurs et des vendeurs qui se présentent. Ce marché à terme existe surtout à Londres et également à Singapour et Kuala Lumpur. Alors on fixe donc là des prix de quantité de caoutchouc, mais qui sont uniquement des quantités de papier, c'est du papier. C'est-à-dire que vous fixez le caoutchouc même à 12 mois ou 15 mois à l'avance, acheteurs et vendeurs. Ce qui permet déjà d'avoir une idée du prix. Alors quant aux transactions physiques, elles se font en général pour le mois d'embarquement ou le mois qui suit. Et ces transactions se font également sur les mêmes marchés, c'est-à-dire à Singapour, Kuala Lumpur, Londres, New York, où il y a un acheteur, qui peut être un négociant, ou le plus souvent un grand pneumatiquier, Michelin, Goodyear, etc., qui achète tant de tonnes de caoutchouc. Alors, il s'adresse à des vendeurs, c'est-à-dire des gens qui ont ramassé du caoutchouc de plantation, ou bien à des plantations elles-mêmes, qui leur vendent du caoutchouc. Et le prix est fixé en tenant compte donc de la bourse, du marché, qui s'ouvre le matin à une certaine heure, je ne sais pas exactement à quelle heure à Singapour, mais il y a déjà une cotation qui se fait non pas comme à la Bourse de Paris, à la criée, mais des cotations qui se font par échange téléphonique. Actuellement, par rapport à l'utilisation mondiale totale, quelles sont les parts respectives du caoutchouc naturel et du caoutchouc synthétique ? La relation est de 30 à 70 %. Ça veut dire que le caoutchouc naturel représente 30 % de l'utilisation mondiale. Et cette production de caoutchouc naturel, elle a encore un avenir pour les années 90 ? Ah oui, oui, et les perspectives sont prometteuses. Et cela pour deux raisons. Quadruplement du prix du pétrole rend le caoutchouc naturel plus compétitif. Et de plus, il est préféré car il est de meilleure qualité pour la fabrication de pneus à carcasse radiale, particulièrement pour les camions. Une étude de la FAO et de la Banque mondiale montre que la demande totale de caoutchouc naturel et synthétique doit s'accroître d'environ 5% par an jusque les années 1990. Ceci est un taux d'accroissement formidable. Et on admet même que l'on risque de manquer le caoutchouc naturel en l'an 2000, au moins 1 million de tonnes qui représente entre 20 et 25% de la production actuelle, à moins que l'on agisse immédiatement, et en particulier qu'on en replante les zones exploitées. Ce déficit s'accroîtra encore pendant les années 90 et les recettes qui pourraient gagner les pays exportateurs de caoutchouc naturel seront perdues au profit des producteurs de caoutchouc synthétique. Quels sont les grands pays producteurs d'EVA? La production est concentrée dans un petit nombre de pays. Trois gros pays producteurs asiatiques, la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande, qui représentent plus de 80% du total mondial. Deux autres pays d'Asie, le Sri Lanka et l'Inde, et deux d'Afrique, le Libéria et le Nigeria, produisent ensemble 12% du total mondial. Cette culture de l'EVA s'effectue-t-elle toujours dans de grandes plantations? À l'origine, la production commerciale se soit développée dans de grandes plantations. Puis, l'EVA est devenu une spéculation intéressante pour les petites exploitations. Au milieu des années 30, la superficie mondiale plantée en EVA était pour moitié composée de grandes plantations et pour moitié de petites exploitations. Mais depuis, la part des grandes plantations a considérablement diminué. Il y en a pratiquement plus en Thaïlande. Elle ne représente que 20% de la production en Indonésie et 35% en Malaisie. Elles conservent leur importance aux Philippines et au Libéria. J'ajoute que la propriété et l'exploitation des grandes plantations, qui autrefois appartenaient presque entièrement à des sociétés européennes, sont maintenant dans une large mesure entre les mains des compagnies nationales. Les sociétés européennes ne contrôlent plus que 12% de la production mondiale et les gros fabricants de pneus américains de 4 à 5%. Tous ces caoutchoucs synthétiques sont fabriqués à base de pétrole. Ces caoutchoucs synthétiques sont fabriqués à base de dérivés pétroliers. Vous craquez le pétrole, vous en faites différentes coupes. Ces coupes, vous les craquez encore, soit à la vapeur, soit autrement. Et vous en faites des produits chimiques, des monomères, que vous polymérisez ensuite, soit à moins 120 degrés comme le butyl, soit à des températures de 6 degrés comme certains caoutchoucs, soit en émulsion dans l'eau, soit dans des solvants, etc. Enfin, différentes manières. Et ils sont tous d'origine pétrolière. Alors pour vous donner une idée, ces caoutchoucs synthétiques représentent environ 7 à 8 millions de tonnes, c'est-à-dire le double de la production de naturel. Et jouent donc un rôle extrêmement important. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les pays de l'Ouest, à mon avis, ils ne sont pas concurrents du caoutchouc naturel. Puisque le seul caoutchouc synthétique équivalent, comme je l'ai dit, c'est le polysoprène, et on en fabrique très peu dans les pays de l'Ouest. Les seuls pays à en fabriquer sont pratiquement la France, les Pays-Bas et les États-Unis. Mais alors, avec la crise de l'énergie qui sévit à l'heure actuelle... Ah oui, c'est une question qu'on me pose toujours. On me dit, avec la crise de l'énergie, vous ne pouvez plus avoir de caoutchouc synthétique. Oui, qu'est-ce qui va se passer? Mais je dis que ça n'a pas d'importance, mais si la crise de l'énergie, on n'aura plus de voitures non plus, alors on n'aura plus besoin de caoutchouc. Alors de toute façon, la crise de l'énergie, ça entraîne de telles modifications. Bon, si c'est une crise de l'énergie qui consiste à rationner, à faire des économies, etc., bon, ben, la situation continuera comme avant, à peu de choses près. C'est-à-dire qu'il y aura un ralentissement de la croissance. Il ne faut pas oublier que le caoutchouc synthétique, on en produit 8 millions de tonnes maintenant, mais après la guerre... Quand les Américains ont pratiquement arrêté leur production avant de revendre leurs usines, on en produisait 300 ou 400 000 tonnes. C'est-à-dire on est passé de 400 000 tonnes à 8 millions de tonnes en l'espace d'environ 30 ans. Alors, au lieu d'aller à une croissance qu'on a connue dans la chimie de 10% par an, on croîtra peut-être de 1 ou 2%. Mais le problème ne sera pas fondamentalement changé. Par contre, il y aura une crise grave de l'énergie, alors à ce moment-là, toutes les données changent. Il sera vain de savoir si on a besoin du caoutchouc naturel ou si on en a trop, pas assez. De toute façon, on ne voit pas ce qu'on fera du caoutchouc naturel et à ce moment-là, le jour où on n'aura plus de pétrole. Mais est-ce que d'après vous, le caoutchouc est une matière première, disons, stratégique? Est-ce qu'on pourrait s'en passer? Ah bon, on ne peut pas se passer de caoutchouc. Enfin, c'est-à-dire, c'est une manière plus générale, on ne peut pas se passer d'une matière élastique. Parce que le caoutchouc, donc, ça Pourquoi est-il si, enfin, si utilisé et si indispensable? C'est que par ses caractéristiques élastiques, c'est-à-dire le fait qu'il peut reprendre sa forme après une déformation, il permet de mettre des organes en mouvement, en contact avec d'autres organes en mouvement ou d'autres organes stables, sans détérioration de la mécanique. Quand on avait les diligences, je crois qu'on avait des espèces de ressorts avec des lames. Bon, c'était un espèce de matériel élastique. Alors si on n'a plus de caoutchouc, il faudrait retrouver un autre matériel élastique, mais on aurait du mal à le retrouver, enfin, sans, on aurait beaucoup de difficultés. Actuellement, quand vous avez un camion qui transporte 40 tonnes à 100 km à l'heure, il est bien certain que c'est impensable s'il n'y a pas le caoutchouc. S'il n'y a pas le matériel élastique pour supporter les vibrations, le camion, au bout de 10 km, son moteur sera d'un côté, etc. Je pense que si du jour au lendemain, on n'avait plus de caoutchouc à notre disposition, qu'il soit naturel ou synthétique, bien pratiquement ça paralyserait toute l'économie, non seulement nationale, mais mondiale. Bon, plus de voitures, plus de transport d'électricité, puisque vous savez que les câbles électriques, en grande partie, sont recouverts de caoutchouc. Et plus de bâtiments, plus d'exploitation des mines. Dans les mines, vous avez des courroies qui transportent le charbon. Même dans les centrales nucléaires, actuellement, vous avez des joints de caoutchouc un petit peu partout dans les circuits de refroidissement. Il s'agit toujours, bien sûr, de caoutchouc étudié spécialement, mais on peut dire que du jour au lendemain, on bloquerait toute une économie par manque d'éléments essentiels à base de caoutchouc. Et on peut trouver encore une foule d'applications qui influent directement sur notre vie quotidienne. Bon, dans votre jardin, vous avez des tuyaux d'arrosage. Bon, très souvent, ils sont en plastique, mais on trouve également beaucoup de tuyaux en caoutchouc qui ont l'avantage de mieux vieillir, d'être beaucoup plus souples que le tuyau en plastique et donc de donner des résultats plus satisfaisants. Dans le domaine du tuyau, je vous ai tout à l'heure parlé du tube gaz, mais on peut parler également du tuyau de transport de fluide pétrolier. Le camion qui vient décharger le fioul dans votre cave, par exemple, c'est un tuyau de caoutchouc. Le déchargement d'un pétrolier au Cap Dentifère ou dans un port pétrolier, ce sont des tuyaux de caoutchouc qui font la liaison entre le pétrolier et le quai. Bon, je ne vais pas parler de la chaussure aussi. Alors la chaussure, c'est un domaine extrêmement courant, puisque tout le monde marche sur du caoutchouc, qu'il s'agisse de chaussures de tennis, par exemple, de baskets, de semelles de ville à semelles en caoutchouc. Et là encore, c'est un domaine... Les bottes. La botte en caoutchouc. Les imperméables. Les imperméables. Alors, si on tombe dans le domaine du vêtement, bien entendu, vous avez, comme vous l'avez dit, les imperméables, mais tous les tissus traités au polyuréthane. Le polyuréthane est un type de caoutchouc aussi. Le drap d'hôpital, enfin, toutes les feuilles de tissus enduits. On pourrait parler aussi des ballons-sondes à ce moment-là, vous voyez, tout ce qui est les dirigeables. Enfin, vous voyez, on passe d'un domaine à l'autre, pratiquement sans transition, puisque... On est parti de la chaussure, vous me parlez vêtements, de là on passe à l'aéronautique. Bien entendu, j'ai encore prononcé un mot, aéronautique, où le caoutchouc est d'une importance extrême, c'est l'aviation, bien entendu. Là aussi, tout ce qui est joint, surtout dans l'aviation, on utilise des fluides spéciaux pour l'asservissement des différentes parties de l'appareil. En France, on produit actuellement environ 1 million de tonnes d'objets en caoutchouc par an. Sur ce million de tonnes, vous en avez 600 000 tonnes en gros, hein, c'est peut-être 10 ou 20 000 tonnes près. Disons 60% qui est réservé aux pneus et aux accessoires du pneu, c'est-à-dire la chambre, les valves, les flaps pour les camions, etc. En dehors du caoutchouc naturel, qu'est-ce que nous utilisons? Nous utilisons des dérivés pétroliers, c'est-à-dire sous forme de plastifiants, aromatiques ou... Naphténiques ou même paraffiniques, mais enfin la plupart viennent du pétrole. Même si on arrivait à résoudre le problème du caoutchouc synthétique en tant que tel, il reste encore le problème de tous les produits annexes, dont je viens de vous en citer quelques-uns, qui eux aussi proviennent du pétrole. C'était l'épopée des matières premières, Aujourd'hui, le caoutchouc. Une suite d'émissions d'Olivia Zemmour, Michel Pierre et Daniel Wolfram, réalisée par Olivier Dorer. Avec la participation d'un représentant de la FAO, de M. Martineau, directeur du laboratoire de recherche sur le caoutchouc, de M. Boutry, du ministère des Industries chimiques, et de Nicolas Chachani, économiste. Cette émission a été diffusée la première fois le 28 août 1980 sur France Culture. À suivre. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.